n'aurait dit qu'un jour, minoré tombe si l'amour. C'est les belles, les réelles, les intenses. C'est qui t'en pas ou quand ou attend pas lui. C'est que les vraiment fort ou le temps y passe et ou découvre un petit peu plus. Malgré dans toute galère, il passe ou un petit peu plus. Ou la cap découvre celle-là jusqu'à la muerte. Comme ça, non, on trouvera pas. Ça tu peux traiter à moins de fou allié. Mais si bien elle que je voudrais marier, il faut qu'elle soit la femme de ma vie. Faites que Dieu entende mes prières. Qui aime Ali un peu beaucoup. Et de l'amour passionnément. À la folie, m'y hésite pas du tout. Chérie, allons aller. Même si l'enfant de vous s'en méfie pas. Mais le pisque est contaminé, m'y affaiblit, t'y pas, t'y pas. Arrive elle, mais sera obligé d'y voir toutes ces nénas de si mon cœur. Passionnément, c'est dit dernier pétale, mon flair. Mina comme un domina le flair. Baby, à où sont moins les cieux que ça va le faire. N'a rien qu'à ou qui peut rendre mon moment fier. Et ça y date pas d'hier que c'est où qui fait mon bonheur. Ça qui peut traiter à moins de fou allié. Mais c'est bien elle que je voudrais marier. Il faut qu'elle soit la femme de ma vie. Faites que Dieu entende mes prières. Qui aime Ali un peu beaucoup. Et de l'amour passionnément. À la folie et m'y hésite pas du tout. Allons aller nous la première fois. Les miens vous conquérir comme fort. Pensez où les coups de moi. Pas besoin d'autre que vous. Et ça vous connaît. Ça tu peux traiter à moins de fou allié. Mais c'est bien elle que je voudrais marier. Il faut qu'elle soit la femme de ma vie. Faites que Dieu entende mes prières. Qui aime Ali un peu beaucoup. De l'amour passionnément. À la folie et m'y hésite pas du tout. Chérie, allons aller nous dérouler.